Chapitre 88e Fatalité. Cependant, la voiture du roi, précédée par Isidore, volait sur la route de Saint-Menehould à Clermont. Le jour baissait, comme nous l'avons dit, 8 heures venaient de sonner, et la voiture entrait dans la forêt d'Argonne, posée à cheval sur la grande route. Charny n'avait pu prévenir la reine du contretemps qu'il retenait en arrière, puisque la voiture royale était partie avant que Drouet lui eût répondu qu'il n'y avait plus de chevaux. En sortant de la ville, la reine s'aperçut que son cavalier avait quitté la portière de la voiture, mais il n'y avait moyen ni de ralentir la course, ni de questionner les postillons. 10 fois, peut-être, elle se pencha hors de la voiture pour regarder en arrière, mais elle ne découvrit rien. Une fois, elle crut distinguer un cavalier galopant à grande distance, mais ce cavalier commençait déjà à se perdre dans les ombres naissantes de la nuit. Pendant ce temps, car pour l'intelligence des événements, et afin d'éclairer chaque point de ce terrible voyage, nous devons aller tour à tour d'un acteur à un autre. Pendant ce temps, c'est-à-dire tandis qu'Isidore précède en courrier la voiture d'un quart de lieue, tandis que la voiture suit la route de Saint-Menehould à Clermont et vient de s'engager dans la forêt d'Argonne, tandis que Drouet court après la voiture et que Charny court après Drouet, le marquis d'Andouin rejoint sa troupe et fait sonner le bout de selle. Mais quand les soldats essayent de se mettre en marche, les rues sont tellement encombrées de monde que les chevaux ne peuvent faire un pas en avant. Au milieu de cette foule, il y a 300 gardes nationaux en uniforme et le fusil à la main. Risquer le combat, et tout annonce qu'il sera rude, c'est perdre le roi. Mieux vaut rester, et en restant, retenir tout ce peuple. Monsieur d'Andouin parlemente avec lui. Il demande aux meneurs ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent, et pourquoi ces menaces et ces démonstrations hostiles. Durant ce temps, le roi gagnera Clermont et il trouvera Monsieur de Damas, et ses 140 dragons. S'il avait 140 dragons comme Monsieur de Damas, le marquis d'Andouin tenterait quelque chose, mais il n'en a que 30. Que faire avec 30 dragons contre 3 ou 4 000 hommes? Parlementer, et nous l'avons dit, c'est ce qu'il fait. À 9h30, la voiture du roi, qu'Isidore précède de quelques centaines de pas seulement, tant les postillons ont marché vite, arrive à Clermont. Elle n'a mis qu'1h15 pour faire les 4 lieues qui séparent une ville de l'autre. Cela explique jusqu'à un certain point à la reine l'absence de Charny. Il rejoindra au relais. En amont de la ville, M. Damas attend la voiture du roi. Il a été prévenu par Léonard, il reconnaît la livrée du courrier et arrête Isidore. « Pardon, monsieur, dit-il, c'est bien le roi que vous précédez. »« Et vous, monsieur ? » demande Isidore. « Vous êtes bien le comte Charles de Damas ? » ?»« Oui. »« Eh bien, monsieur, je précède en effet le roi. Rassemblez vos dragons. » et escorter la voiture de sa majesté. « Monsieur, répond le comte, il souffle par les airs un vent d'insurrection qui m'effraie, et je suis obligé de vous avouer que je ne réponds pas de mes dragons, s'ils reconnaissent le roi. Tout ce que je puis vous promettre, c'est quand la voiture sera passée, de me replier derrière elle et de fermer la route. « Faites de votre mieux, monsieur, dit Isidore, voici le roi. » Et il montre au milieu de l'obscurité la voiture qui arrive, et dont on peut suivre la course aux étincelles qui jaillissent sous les pieds des chevaux. Quant à lui, son devoir est de s'élancer en avant et de commander les relais. 5 minutes après, il s'arrête devant l'hôtel de la poste. Presque en même temps que lui arrive M. de Damas et 5 ou 6 dragons. Puis la voiture du roi. La voiture suit Isidore de si près qu'il n'a pas eu le temps de remonter à cheval. Cette voiture, sans être magnifique, est tellement remarquable qu'un grand nombre de personnes commencent à s'attrouper devant la maison du maître de poste. M. de Damas se tenait en face de la portière, sans faire connaître aucunement qu'il connût les illustres voyageurs. Mais ni le roi ni la reine ne purent résister au désir de prendre des renseignements. D'un côté, le roi fit signe à M. de Damas. De l'autre, la reine fit signe à Isidore. « C'est vous, M. de Damas ? » demanda le roi. « Oui, sire. Pourquoi donc vos dragons ne sont-ils pas sous les armes ?»« Sire, votre majesté est en retard de 5 heures. Mon escadron était à cheval depuis 4 heures de l'après-midi. » J'ai traîné le plus longtemps possible, mais la ville commençait à s'émouvoir. Mes dragons eux-mêmes faisaient des conjectures inquiétantes. Si la fermentation éclatait avant le passage de votre majesté, le tocsin sonnait et la route était barrée. Je n'ai donc gardé qu'une 12aine d'hommes à cheval et j'ai fait rentrer les autres dans leur logement. Seulement, j'ai enfermé les trompettes chez moi afin de leur faire sonner à cheval au premier besoin. Du reste, votre majesté voit que tout est pour le mieux, puisque la route est libre. « Très bien, monsieur, dit le roi. Vous avez agi en homme prudent. Moi, parti, vous ferez sonner le bout de selle, vous suivrez la voiture à un quart de lieue à peu près. « Sire, dit la reine, voulez-vous écouter ce que dit M. Isidore de Charny ?»« Et que dit-il ? » demanda le roi avec une certaine impatience. « Il dit, sire, que vous avez été reconnu par le fils du maître de poste de Sainte-Menehould. Qu'il en est sûr, qu'il a vu ce jeune homme, un assigné à la main, s'assurer de la ressemblance de votre portrait en le comparant à vous-même, que son frère, prévenu par lui, est resté en arrière et que sans doute il se passe quelque chose de grave en ce moment, puisque nous ne voyons pas revenir monsieur le comte de Charny. Alors, si nous avons été reconnus, raison de plus de nous hâter, madame. Monsieur Isidore, pressez les postillons et courez devant. » Le cheval d'Isidore était prêt. Le jeune homme s'élança en selle en criant aux postillons « Route de Varenne !» Les deux gardes du corps, assis sur le siège, répétèrent « Route de Varenne !» Monsieur de Damas se recula en saluant respectueusement le roi, et les postillons lancèrent leurs chevaux. La voiture avait été relayée en un clin d'œil et s'éloignait avec la rapidité de l'éclair. En sortant de la ville, elle croisa un maréchal des logis de hussards qui y entrait. Monsieur de Damas avait eu un instant l'idée de suivre la voiture du roi avec les quelques hommes qu'il avait disponibles. Mais le roi venait de lui donner des ordres tout à fait contraires, et il crut devoir se conformer à ses ordres, d'autant plus qu'une certaine émotion commençait à se répandre dans la ville. Les bourgeois couraient de maison en maison. Les fenêtres s'ouvraient. On y voyait apparaître et des têtes et des lumières. Monsieur de Damas se préoccupa d'une seule chose, du tocsin qui pouvait être sonné, et il courut à l'église, dont il garda la porte. D'ailleurs, Monsieur d'Andouin allait arriver d'un moment à l'autre avec ses 30 hommes et le renforcerait d'autant. Cependant, tout paraissait se calmer. Au bout d'un quart d'heure, Monsieur de Damas revint sur la place. Il y trouva son chef d'escadron, Monsieur de Noirville. Il lui donna ses instructions pour la route et lui commanda de faire mettre les hommes sous les armes. En ce moment, on vint prévenir Monsieur de Damas qu'un sous-officier de dragon, expédié par Monsieur d'Andouin, l'attendait à son logement. Ce sous-officier venait lui annoncer qu'il ne devait attendre ni Monsieur d'Andouin, ni ses dragons. Monsieur d'Andouin étant retenu à la municipalité par les habitants de Sainte-Menehould, qu'en outre, ce que Monsieur de Damas savait déjà, Drouet était parti à Franquetrier pour suivre les voitures, qu'il n'avait probablement pas pu joindre, puisqu'on ne l'avait point vu à Clermont. Monsieur de Damas en était là des renseignements donnés par le sous-officier du régiment royal, quand on lui annonça une ordonnance des hussards de Lauzun. Cette ordonnance était expédiée par Monsieur de Rorig, commandant, avec Messieurs de Bouille et fils et de Rechecourt, le poste de Varennes. Inquiet de voir s'écouler les heures sans que personne arrivât, ces braves gentilshommes envoyaient auprès de Monsieur de Damas pour savoir s'il avait quelques nouvelles du roi. « Dans quel état avez-vous laissé le poste de Varennes ?» demanda d'abord Monsieur de Damas. « Parfaitement tranquille, » répondit l'ordonnance. « Où sont les hussards ?»« À la caserne, avec les chevaux tout scellés. » « N'avez-vous donc rencontré aucune voiture sur la route ?»« Si fait, une voiture à 4 chevaux et une autre à 2. » « Ce sont les voitures dont vous veniez chercher des nouvelles. Tout va bien, » dit Monsieur de Damas. Sur quoi il rentra chez lui et donna l'ordre aux trompettes de sonner le bout de selle. Il se préparait à suivre le roi et à lui prêter main forte à Varennes s'il en était besoin. 5 minutes après, les trompettes sonnaient. Tout allait donc pour le mieux, à part l'incident qui retenait à Sainte-Menehould les 30 hommes de Monsieur d'Andouin. Mais avec ses 140 dragons, Monsieur de Damas se passerait de ce surcroît de force. Revenons à la voiture du roi, qui, au lieu de suivre, en partant de Clermont, la ligne droite qui conduit à Verdun, a tourné à gauche et roule sur la route de Varennes. Nous avons dit la situation topographique de la ville de Varennes, divisée en ville haute et en ville basse. Nous avons dit comment il avait été décidé qu'on relayerait à l'extrémité de la ville du côté de Dun, et comment, pour arriver là, il fallait quitter la route qui conduisait au pont, traverser ce pont en passant sous la voûte de la tour et attendre le relais de M. de Choiseul autour duquel devaient veiller M. de Bouillet et de Règecourt. Quant à M. de Rorig, jeune officier de 20 ans, on ne l'avait pas mis dans la confidence et il croyait être venu là pour escorter le trésor de l'armée. D'ailleurs, arrivé à ce point difficile, on se le rappelle, c'est Charny qui doit guider la voiture royale dans le dédale des rues. Charny est resté 15 jours à Varennes. Il a tout étudié, tout relevé, pas une borne qui ne lui soit connue, pas une ruelle qui ne lui soit familière. Par malheur, Charny n'est point là. Aussi, chez la reine, l'inquiétude est-elle double. Pour que Charny, dans une pareille circonstance, ne rejoigne pas la voiture, il faut qu'il eût arrivé quelque grave accident. En approchant de Varennes, le roi lui-même s'inquiète. Comptant sur Charny, il n'a pas même emporté le plan de la ville. Puis la nuit est absolument sombre, éclairée par les seules étoiles. C'est une de ces nuits où il est facile de s'égarer même dans les localités connues, à plus forte raison dans les détours d'une ville étrangère. La consigne d'Isidore, consigne donnée par Charny lui-même, était de s'arrêter en avant de la ville. Là, son frère le relayerait et, comme nous l'avons dit, reprendrait la conduite de la caravane. Mais, comme la reine, et autant que la reine peut-être, Isidore était inquiet de l'absence de son frère. La seule espérance qu'il resta, c'est que M. de Bouillé ou M. de Rechecourt, dans leur impatience, fussent venus au devant du roi et attendissent en deçà de Varennes. Depuis 2 ou 3 jours qu'ils étaient dans la ville, ils la connaîtraient et serviraient alors facilement de guide. Aussi, en arrivant au bas de la colline, en voyant 2 ou 3 rares lumières qui brillaient par la ville, Isidore s'arrêta, irrésolu, jeta les yeux autour de lui, cherchant à percer l'obscurité de son regard. Il ne vit rien. Alors il appela à voix basse, puis à voix plus haute, puis enfin à pleine voix, messieurs de Bouillé et de Rechecourt. Personne ne répondit. On entendait le roulement de la voiture qui arrivait à un quart de lieue comme un tonnerre lointain se rapprochant peu à peu. Une idée vint à Isidore. Peut-être ces messieurs étaient-ils cachés dans la lisière de la forêt qui longeait la gauche du chemin. Il entra dans la forêt, explora toute cette lisière. Personne. Il n'y avait pas d'autre parti à prendre que d'attendre, et il attendit. Au bout de 5 minutes, la voiture du roi l'avait rejoint. Les 2 têtes du roi et de la reine passaient aux 2 côtés de la voiture. Leurs 2 voix demandèrent en même temps « Vous n'avez pas vu le comte de Charny ?»« Sire, répondit Isidore, je ne l'ai pas vu. Et puisqu'il n'est point ici, il faut que dans la poursuite de ce malheureux drouet, il lui soit arrivé quelque accident grave. » La reine poussa un gémissement. « Que faire ?» dit le roi. Puis, s'adressant aux 2 gardes du corps qui avaient mis pied à terre, « Connaissez-vous la ville, messieurs ? » demanda-t-il. Personne ne la connaissait, et la réponse fut négative. « Sire, dit Isidore, tout est silencieux et par conséquent tout paraît tranquille. Qu'il plaise à votre majesté d'attendre ici 10 minutes, je vais entrer dans la ville et tâcher d'avoir des nouvelles de messieurs de Bouillé de Rechecourt, ou tout au moins du relais de monsieur de Choiseul. Votre majesté ne se rappelle pas le nom de l'auberge où les chevaux doivent attendre ?»« Hélas non, dit le roi, je l'ai su mais je l'ai oublié. « N'importe, allez toujours. Nous allons, pendant ce temps, tâcher de prendre quelques renseignements. » Isidore s'élança dans la direction de la ville basse et disparut bientôt derrière les premières maisons.